Audiomatic. Duo péruvien Dengue Dengue Dengue lançait la transmission 180 d'Audiomatic avec la pièce-titre de leur tout nouveau mini-album intitulé Son de los Diablos, sorti en vinyle et en format numérique par l'étiquette de disque Enchufada. Les électronistes qui sont heureux de vous accueillir à Audiomatique afin de vous présenter leurs suggestions musicales au cours de la prochaine heure. Bien sûr que nous privilégions le genre électronique particulièrement parce qu'il est souvent apprêté à toutes les sauces. We'll be right back. to be consumed by you again. Think you're cute. You'd see it come. The folly of a monster. À Audiomatic, il s'agissait du duo anglais Goldfrapp, auquel la chanteuse Alison Goldfrapp a donné son nom. Le duo est complété par son complice Will Gregory, qui a travaillé dans les années 80 et 90 avec, entre autres, Tears for Fears, Peter Gabriel, The Cure, Portishead et Tori Amos, avant de fonder Goldfrapp en 1999. De leur quatrième album, Seventh Tree, qui n'est pas sans nous rappeler l'esthétisme de leur premier album Felt Mountain, nous entendions la chanson Monster Love. Et pour débuter, nous vous présentions la collaboration entre David Sylvian, ex-chanteur du groupe Japan, et le guitariste Robert Fripp, bien sûr membre fondateur du légendaire groupe King Crimson. Nous avons eu droit à leur composition « Firepower » tirée de leur premier album « The First Day » paru en 1993. Nous poursuivons la transmission 180 d'Audiomatic sur la musique de Fever Ray. We'll be right back. Cette séquence musicale de trois pièces terminait sur la musique de l'artiste belge Geneviève Pasquier, de qui nous écoutions la pièce Fusion de son album intitulé Le Cabaret Moi, paru en 2009. Avant cela, c'était la pièce Color Speaks, issue d'une collaboration entre les artistes Phil Western et Tim Hill, collaboration qui se matérialise tout au long de l'album intitulé Dark Features, sorti à l'origine en 2001. Et nous amorcions la séquence avec le projet Fever Ray de l'artiste suédoise Karin Dreijer, ex-membre de la formation The Knife. Donc, de Fever Ray, nous écoutions la pièce Mustn't Hurry, qui se retrouve sur son plus récent album Plunge, sorti d'abord en format numérique à l'automne 2017, et puis dans les formats vinyle et CD à la fin de février 2018. Comme planifié, Audiomatique s'engage vers sa finalité avec le compositeur italien Ennio Morricone. Thank you. across and talk to me. Cause it's late and it's midnight. No, I need you now. Just a little sign to keep going. A way could be easy. L'artiste américain habitant Montréal, Patrick Watson, qui donne son nom au groupe qui nous interprétait à l'instant à Audiomatique, l'inspirante chanson Bollywood, extraite de son plus récent album studio, Love Songs for Robots. Et tout juste avant, le célèbre compositeur de musique de film, Ennio Morricone, nous offrait la pièce-titre du film La Cugina, réalisé par Aldo Lado en 1974. Vous aurez sans doute deviné que la version que nous vous présentions était en fait une version remixée. Il s'agissait de La Cugina remixée par le duo The Amalgamation of Sounds et s'est tiré de la compilation simplement intitulée Ennio Morricone Remixes Volume 1. La conclusion de la transmission 180 d'Audiomatique sera assurée par Trends to the Sun. Ça, c'est une formation américaine qui faisait dans le style darkwave et shoegaze et dont l'existence s'étira entre 1990 et 2001. Nous entendrons la pièce Winter Furnace Winds qu'on peut retrouver sur une anthologie du groupe qui s'intitule Spiders, Ether and Rain. Les électronistes vous remercient d'avoir été à l'écoute de cette émission et souhaitent vous retrouver mercredi prochain dès 17h sur les ondes du 89.1 FM pour la transmission 181. Nous rendons disponible pour écoute différée chacune des manifestations radiophoniques d'Audiomatique. Vous n'avez qu'à suivre les liens pertinents SMS sur, entre autres, nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc, pour terminer la transmission 180 d'Audiomatique, la formation Trends to the Sun et la pièce Winter Furnace Winds. Bonne écoute, bonne semaine. C'était Audiomatique avec les électronistes.